Salut Internet et bienvenue à un nouveau Jase en jeu. Wow! Avec les animateurs préférés, Max et Steph. C'est merveilleux. Et c'est, oui. C'est vrai que dans les animateurs préférés, je te dirais que c'est pas mal moi le plus préféré de mes préférés. Moi aussi. Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Max? Cette semaine, ce mois-ci. Ce mois-ci. On se calme. Hein? On ne fera pas un par semaine, pas vrai. On répond aux questions de Jérôme Landriot. Ah ben, bonjour. Allô, Jérôme. Bonjour, Jérôme. De RetroGamer.ca. Qu'est-ce qu'il veut savoir, Jérôme? On fait un spécial tout arcade cette semaine. Oh, des arcades, c'est fun. Moi, j'aime bien ça. Mm-hmm. C'est quoi ces questions? Première question. Shoot-nous ça. J'y vais. Moi, je vais y aller avec la deuxième en premier. All right. Parce que moi, je suis de même. C'est wild de même. T'es même pas au courant de ça dans quel ordre. Ok, gars. Yeah. Pensez-vous avoir assez de patience pour terminer un chemin par un crédit? Fuck non. C'est quoi la deuxième question? Je suis un peu d'accord avec ça. Non, mais en fait, on peut... c'est un peu plate si on jase pas, parce que quand même, l'émission s'appelle Jase en jeu. Faut qu'on jase ouais. En jeu. Fait non. Premièrement, parce que je joue à très peu de chemin. Et les fois que j'ai joué... Je suis pas portée à vouloir jouer à un chemin. Non, c'est pas quelque chose vers lequel je suis attirée de base. Mm. Puis, vu que je n'y joue pas d'habitude, les rares fois que j'y joue, je ne suis pas très bonne. Fait que je serais définitivement pas capable de finir un shmup comme ça. Et j'aurais définitivement pas la patience de persévérer jusqu'à être capable de le faire. Je fais juste comme... Non. Je suis quand même de même avis. Mm-hmm. C'est pas à la base, c'est pas un style de jeu qui m'interpelle, donc je suis pas amené à vouloir me dire ok, je vais jouer à un chemin pour devenir bon. Donc déjà en partant, je serais pas bon. Puis moi j'ai pas de patience dans la vie. Ouais, fait non. Que non. C'est la même raison pourquoi est-ce que je joue pas à des RTS parce que je prends la patience. Ouais. Fait on n'est pas des gens patients à la maison, c'est. Non! C'est T'en es toi un petit peu paresseux? Un peu beaucoup. Deuxième question. Ouais. Moi, je vais avec la troisième. Tant pis. Manette ou stick, lequel vous préférez? On parle pourquoi exactement là, ici? Est-ce que... Ben écoute, si ça... Tu me parles sur une manette de PlayStation, moi, je dirais le stick juste parce que le joystick plutôt que croix directionnelle. Parce que mettons que je joue à Final 7, je viens toujours que je veux jouer avec ma manette de DualShock 3. Pas, hein? Là, je fais le joystick, puis comme genre, mais tu bouges pas, Claude. Tu bouges pas. Mm. Mais c'est parce qu'il ne marche pas. Les PSN ne me laissent pas. Là, le mec s'en vient, on s'en fout. Mais, c'est ça la question? Ben écoute, il y a une thématique arcade ici. OK. Fait que je pense qu'on parle de joystick, là. OK, à l'arcade. Ouais. Ben c'est sûr que tu sais sur un cabinet d'arcade, ça a son charme particulier. Oui. Mais ça marche souvent en réel, tu trouves pas? Mais ce qui est intéressant avec ces sticks-là, c'est que tu peux mettre tout ton poids dessus. Ben justement, vu qu'ils sont raides. C'est plus dur. Oui. Mais on s'entend que t'as pas ça dans ton salon, là. Tu peux pas avoir ça. Tu peux t'en acheter. Il y en a. Ça se vend là, des fighting sticks là, pour Street Fighter, Mortal Kombat. Ça coûte cher, là, mais si moi vraiment t'es bon, puis. Ah, mais ça vaut-tu la peine? Paierais-tu vraiment ce genre de prix-là juste pour avoir une grosse affaire massif avec un stick dessus? Là? Ok, attends, time out. Oui, mais pas pour les jeux de baston. Ah non? Moi, je paierais un joystick, mettons, pour les jeux de combat. Jeu de combat dans l'espace ou jeu de combat d'avion, ah. Comme ça. Ça, oui. Moi, je suis un grand fan. Il y a un temps où j'aimais beaucoup la série Flight Simulator de Microsoft, puis on avait le gros joystick avec les pédales puis l'accélérateur. Mais... J'aimais bien, bien ça. C'est vrai que pour certains jeux, ça a son charme. Ouais. Ça, j'ai vu ça quand j'étais à Game On. C'est un rêve que j'avais de vouloir ce jeu-là. Ça s'appelait Steel Battalion. C'était sur Xbox. C'était un jeu de mech, à la MechWarrior un peu. Sauf que c'était une simulation. Donc ton mech marchait très, très, très lentement. Puis ton personnage avait juste une vie. Donc okay. si ton mech venait à se détruire, ben fallait que tu t'éjectes. Ben, si tu t'éjectais pas, tu mourrais. Fallait que tu recommences au début. Wow! Puis ça, ça venait avec des grosses pédales et une grosse console avec deux joysticks, des boutons partout, des switches, des boutons qui allument. C'est débile mental. Mais God, ça devait coûter une fortune. Moi, j'ai un souvenir que ça coûtait 200$. Mais j'ai un feeling que mon souvenir est pas bon. Sûrement pas, parce que pour avoir tout ça, là... Si tu peux m'éclairer à la maison sur le prix que c'était au départ, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça vaut une fortune, mais à l'époque, là, si tu peux m'éclairer sur c'était quoi le prix, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais ouais, donc moi, fan de joystick pour les jeux de combat, mais pas les jeux de baston. Intéressant. Moi, j'aime bien en jeu de combat dans une arcade, mais j'aime pas ça. C'est pour m'en acheter un pour l'avoir à la main. OK. C'est ma réponse. Je pense qu'on a bien couvert ça. Ben, c'est une réponse valide, moi, je pense. Ben, moi, je pense que tout, il y a des opinions. Ben, c'est ça. Et finalement, la première question qui est on garde le meilleur pour la fin. Oui. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous alliez souvent aux arcades? Et si oui, en avez-vous de bons souvenirs? Nous, on vient d'un petit bataillon du nord de Montréal qui s'appelle Sainte-Thérèse. Et à Sainte-Thérèse, il y avait... de petites arcades. Oui. Il y avait un beau cachet. Oui. À côté d'une pizzeria. Oui. À côté d'un cinéma aussi. Oui. Qui c'était vraiment le fun. Tu sais, quand t'as 15, 16 ans, tu décides de faire une sortie avec tes amis, tu sais, tu peux aller au cinéma, puis aux arcades, puis manger de la pizza. C'est comme... C'est le summum quand t'as 15 ans. Ça va d'autres. Je dois dire que c'est encore un peu le summum à 27, mais... C'est vrai. Mais beaucoup moins d'arcades aujourd'hui. Mais il y a beaucoup moins d'arcades. Et j'aimais beaucoup aller à cette arcade-là avec mes amis, dépenser des 25 cents, à dropper ça dans la machine à Soul Calibur, puis dans le DDR, ça, là. Mm. J'aimais bien ça. Malheureusement, elle a fermé. Et c'est un gros down pour moi de me rendre compte qu'elle est fermée. Oui, il y a un arcade, je pense, qui... En tout cas, il y a juste une salle d'arcade que je sais qui existe encore, c'est à Montréal. C'est Papa Cassette qui l'a. Ah ouais? C'est l'arcade de Montréal. Mais c'est dommage que dans mon coin, dans mon hood... Dans notre hood, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Et à quoi t'aimais jouer quand t'allais aux arcades? Moi, j'étais un grand fan de Flipper. Un pinball. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, t'aimes le pinball? Vraiment beaucoup les pinballs. Ma préférée, c'était celle de Star Trek. Ben, parce que t'es un Trekkie. Je suis un Trekkie. Mais il y avait celle de Star Wars aussi qui était quand même très cool. C'est ça. Moi, je dois le savoir, là, ça fait une couple de temps que je ne suis pas très bon à les jeux vidéo. Mais, donc, je suis pas amené à aller dans les grosses arcades pour faire des combats, mettons, à Street Fighter et tout. Donc, j'aimais vraiment beaucoup les pinballs, les belles machines là, avec... Ah! J'adorais ça. Ces machines. Ouais. Puis le air hockey aussi. Oh, l'air hockey. Oh, ça, c'est le fun, l'air hockey. J'aimais tellement l'air hockey que pendant longtemps, on a eu une table d'air hockey chez nous. Une vraie de vraie, là? Une vraie de vraie. Ah! Oui! Étais-tu glow in the dark? Putain? Non, elle était pas glow in the dark. Puis en fait, un petit peu différente. Tu sais, la part des tables d'air hockey sont carrées. Celle-là était vraiment curvée comme une vraie patinoire. Ah! Fait que ça, c'est le fun parce que tu sais, elle reste jamais pas dans le coin. Mm-hmm. Puis t'as pas de. Tu sais, c'est vraiment là. Cool. Écoute, t'as pas à te battre pour la fin. Non, parce que des fois, là, tu sais, ça fait spinner de même. La rondelle arrêtait pas. C'est, les tournois qu'on s'est fait chez nous, moi et ma soeur, là. Oh. On était du genre à se faire. L'avez-vous encore? Le plus. Ah! Non, malheureusement, maintenant en grandissant, on jouait moins. Puis ça prenait quand même beaucoup de place dans le sol. Ben écoute, moi, j'aurais fait ma table de cuisine là-dessus, j'aurais mis une torche de plywood déréglée, là. Non, fait que malheureusement, on l'a plus. Mais ça fut de fort bons souvenirs. J'imagine. Et oui, j'ai et mes skills m'ont bien servi. Oui. Parce que... Oui, là, ça fait l'anecdote. Moi, je le vois venir à 100 000 à l'heure. Là, on se parle souvent. Hein? Donc, j'aime beaucoup les arcades. Et quand j'ai pu aller à la Scratac Game Convention le mois dernier, j'ai eu la chance d'aller à l'après-party de la convention qui se faisait un Dave & Buster's. C'est un... En fond, je sais pas pourquoi il n'y a pas ça au Canada. En tout cas, s'il y en a... faudrait qu'on ait un proche parce que j'y irais tout le temps. Et c'est vraiment un gros resto-bar avec plein d'arcades. Puis c'est vraiment awesome. Et écoute, il y avait tout, il y avait plein de stands de tir, genre Time Crisis, il y avait un Battle Pod de Star Wars qui était vraiment awesome! C'est bien oh my cool. God! Sérieusement, c'est tellement cool, vraiment là, tu sens tout le feeling quand tu conduis, là, t'as vraiment là, ah, oh, t'es comme vraiment dans un X-Wing, c'est malade, j'ai payé 30 jetons comme pour aller là-bas. 30 jetons? Ça faisait 15 jetons de la shot, puis je l'ai fait deux fois. Mais je le regrette pas parce que ça valait le 15 jetons. Le 30 jetons. Dans le game de pinball, tu peux te faire à ce prix-là? Oui, mais sur... j'avais comme... Vu qu'on était là pour le party, j'avais une carte avec temps illimité sur la plupart des machines, sauf certaines. Et pour ces certaines-là, j'avais 60 jetons. Puis là, malheureusement, ça, c'est les trucs très en demande, justement, comme le Battle Pod, ou les trucs que tu fais gagner comme des tickets, puis, tu sais, comme les jeux d'habilité, des trucs comme ça. Fait que là. Fait que moi, j'ai dépensé tout ça, là. Toujours pas, raconter l'anecdote. Fait que, mais je peux pas toujours faire ça. Et je me suis beaucoup amusée sur la table de hockey sur air, et j'ai eu la chance de rencontrer Matt Pat des Game Theorists à la SGC, puis par un gros hasard, il s'est rappelé de moi pendant tout le week-end. Le hasard, c'est que j'ai le même nom que sa femme. C'est cute. C'est cute. Fait qu'il m'a appelé par mon prénom pendant tout le week-end, je suis sur mon petit nuage. Puis il est venu à l'arcade et j'ai décidé, veux-tu jouer avec moi un jeu? Veux-tu jouer au hockey sur air? Il m'a dit, bien sûr, j'aime ça le hockey sur air. Qui veut pas jouer au hockey sur air? Ouais, c'est super le fun. Fait qu'on s'est dirigé vers la table de hockey sur air. Et là, un de mes amis que je me suis fait à la convention a arrêté ma tête et lui a dit, genre, tu t'en vas te prendre au hockey sur air contre elle, là? Genre, t'es-tu sérieux? Puis il a fait, ben oui, puis y'a-tu un problème? Puis comme genre, mais c'est parce qu'elle a battu tout le monde qui a essayé de la battre pendant toute la soirée. C'est une machine, cette fille-là. Et j'ai été obligée de lui avouer que j'étais canadienne et donc j'avais le hockey dans le sang. Et Tim Horton. Et Tim Horton, oui. Tu me coupes et j'ai du café double-double et de la glace qui sort. Il y a des Timbits glacés, là. Pas glacés, mais à poudre. Oui, ça. Et ma patte a visiblement dégluti, mais il s'est levé au challenge. Et je l'ai battu! 7-6. Mais passe-moi je l'ai battu. La manette, a battu Matt Pat de Game Theorist. En tout cas, il m'a dit qu'elle allait se pratiquer pendant toute l'année puis qu'on avait une revanche l'année prochaine. Fait que, oh my god, j'ai comme une date avec ma patte. C'était mon anecdote de hockey sur air. Ben, c'est cool! En tout cas, moi, j'aime ça. Vous auriez dû être là, c'était vraiment le fun, la convention. On ira tout ensemble l'année prochaine. C'est Steph qui paye! Si je gagne ça de 49, sure. Ah, cool. Ben, peut-être pas toutes vous autres, mais je vous la mets. Ah, ouais. Ça. Mais lui, il en est qui? Ça dépend. Lui qui est cute ou lui qui est comme... qui a l'air bien fin? Ben, c'est lui qui est cute ou lui qui est fin? Mais écoute, ça dépend combien de millions je gagne. Ouais, OK. Fait que... On promet rien, mais peut-être. Ça va dépendre de si les dieux du 649 sont avec moi. Voilà. Ouais. On a fini. Ça, c'est mes beaux souvenirs d'arcade. Cool. C'est le fun des arcades. Genre, sérieusement, on en jase. Puis moi, j'aurais le goût d'aller jouer du House of the Dead. Moi, j'ai toujours aimé les jeux de gun dans les arcades. Les trucs de tir des cool, zombies là. Ou les Time Crisis. Ou tu Time des Crisis, c'est malade. C'est quoi avec les scènes d'ouverture avec les pédales, là? Oui. Ah, c'est le fun, là. Et je me suis tue payer la traite. J'avais temps illimité cette machine-là quand j'étais allée au Dave & Buster's. J'étais pas très bonne, mais je fais continue tant que je veux. Fait que je me payais la traite sur le continue. Ouais. Si t'as des places d'arcade à la maison, écris-les dans les commentaires. Oui, suggère-nous. On pourrait s'organiser une date de groupe. Ça serait vraiment nice. Moi, je serais down pour ça. Ouais, bien. Right? Organise ça. Organise ça à notre place, puis nous autres, on va être là. On va mettre notre nom sur l'événement. Exactement, on va faire ça. Ouais. Awesome. Cool. Hey! J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Jérôme. Ouais. Puis toi, à la maison, qui n'est pas Jérôme, ou ouais, peut-être Jérôme aussi, si tu as encore des questions pour nous, t'aimerais-tu ça qu'on réponde à tes questions live par nos charmantes personnes? Rien de moins. C'est à ta portée. T'as juste à... Just call this number. Non, c'est même pas, besoin de nous appeler. Tu peux juste laisser un petit commentaire ici, en bas de la vidéo. Ou envoie-nous un petit message sur Facebook, si on sur notre wall, Twitter. Ouais, Twitter, faut que tu fasses ça vite, là, 50 caractères, mais tu peux l'envoyer en plusieurs questions, mais on peut l'écouter parce qu'on est à ton écoute oui. à la maison. Parce qu'on t'aime. Oui, pour nous contacter sur les médias sociaux dans quelques instants. Vous allez voir tout ça. Tout va être là, t'as juste à cliquer, puis tu vas te rendre. Tout ça va s'arranger. À bonne place. Hey, merci beaucoup d'avoir été nous. T'es fin. On a très hâte d'entendre vos prochaines questions, puis on se voit dans un prochain chanson-jeu. Là, Steph. Là.